Donc, bonsoir à tous. Donc, c'est les débats de Gérard du jeudi soir. Donc, le premier débat, c'est sur l'informatique. Le deuxième portera sur l'école. Donc, on va accueillir Muguet. Bonsoir. Cécile. Bonsoir. Christina. Bonsoir. Bonsoir. Estelle. Bonsoir. Bonsoir. Michael. Bonsoir. Bonsoir. Et Claude. Bonsoir. Bonsoir. Savez-vous utiliser une souris? Alors, Claude? Ouais, ben moi, je suis en école d'informatique, comme je te disais, donc ouais. Je sais parfaitement me servir d'une souris. Oui. Nous, on appelle ça un mulot aussi, d'ailleurs. Ouais, ben... C'est pareil. Donc, ouais. Là, c'est pas compliqué, hein. Tu la fais bouger, t'appuies sur les boutons et ça roule. Ok. Et celle? Oui, ben moi, c'est pareil. J'ai suivi des études de bureautique, donc je sais parfaitement me servir d'une souris, Gérard. Ok. D'accord. Bon, moi, je peux vous dire une chose, que pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion de me servir de... Si j'ai eu l'occasion parce qu'on m'en avait donné un, mais bon, bah, on me l'a repris. Mais sinon, de me servir d'une souris, je voudrais bien qu'on me fasse voir comment que ça fonctionne, c'est tout. T'en as déjà vu ? Ça vient d'une des petites souris, là. Hein. Non, mais attends, quand on me dit petite souris, moi je te parle de la souris. Attends. Là, on va pas commencer. Là, Olivier, tu vas pas commencer. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. On va pas tout dévoiler. Celui qui s'amuse à se prendre pour un canard va pas rester longtemps. Ça va être clair et net, vous avez pas commencé, il est 1h09, vous avez pas commencé, parce que sinon ça va gerber. Alors, avec tous les intermarchés, les continents, etc., avez-vous besoin des internets? Claude? Ah bah ouais, je dis que je pense que les internets dans les supermarchés, enfin les intermarchés, sur les continents, ça peut toujours servir. Tu peux avoir de tout. D'accord. Ok. Michael? Ouais, je suis d'accord avec Claude, c'est utile, on peut communiquer entre tous les continents. Et... Ouais, mais c'est pas la peine de dire que t'es d'accord avec Claude, si c'est pour me dire à toutes les questions que t'es d'accord avec Claude, c'est même pas la peine. Bah non, la première, c'est lui qui était d'accord avec moi, c'était pas moi. Ok. Estelle ? Bah moi, je pense que c'est l'avenir. Mmh. Et je pense même que bientôt, on pourra faire nos courses de chez nous, on n'aura même pas plus besoin d'aller aux intermarchés. Ah, oui. Ouais, c'est Cécile. Oui. Ouais, je voulais dire aussi que l'internet, c'est éducatif, quoi. Ouais, pour le cul. Sur ta planète. Attends, et celui qui commence déjà à parler de cul, je vais dire une chose. On en a rien à foutre. Ça va mal se passer. On sait très bien que sur Internet et par le bien des ordinateurs, hein, on peut faire des rencontres cul. Ok. Alors tu vas pas commencer comme ça, toi. Parce que sinon, tu vas retourner d'où que tu viens. D'où que tu viens. Non, mais pourquoi tu me cries comme ça dessus? J'aimerais répondre aux questions sur l'informatique. Ah ouais, mais alors, dans ce cas-là, t'as pas besoin de parler du truc de cul, ok? Pour l'instant, c'était pas le thème du débat, ok? Pour l'instant, tout le monde a bien répondu, c'est pas toi qui vas se mettre ta merde. Ok. Alors maintenant, tu réponds. Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Non, mais attends. Allez hop, bonne nuit. Allez hop. Non, faut pas déconner, là. Allez hop. Allez, ça y est, il est parti. Ouais. Allez hop, Muguet. Pour rien. Donc préférez-vous les ordinateurs portables ou les ordinateurs... préférez-vous les ordinateurs portables ou les ordinateurs pas portables? Portables. Bon, je vais modifier. Hein? Préférez-vous le portable ou pas? Alors, moi, j'aime bien les ordinateurs portables parce que tu peux les balader où tu veux, dans la rue, quand tu prends ta douche, Non, mais attends, allez, Cécile. Oui? Tu crois que tu vas t'amuser à écrire sous une douche avec ton ordinateur? Ça va pas ta tête ou quoi, là? Gérard, il y a des modèles d'ordinateurs étanches. Hein. Bah voilà. Sorties, ça existe. Hein. Je peux vous dire une chose déjà d'entrée. Moi, je vais répondre quand même à la question parce que... Personnellement, j'ai jamais eu de portable. D'accord. T'as un téléphone quand même. Non, mais attends, c'est pas du tout la même chose. Ah. Ça n'a rien à voir entre l'informatique et... Ah, parce que tu parlais de portable, donc téléphone. Ouais, mais non, mais c'est les ordinateurs. Celui qui met de la musique, ça commence à me faire chier. Allez Gérard, reste poli, tu t'en fous. Allez Gérard, pose ta question suivante, s'il te plaît. Bon. Y a pas des PC à Fun pour qu'il puisse te faire voir, parce qu'il doit bien en avoir un qui s'y connaît là-dedans. Pour l'instant, ça mettrait trop de temps pour l'expliquer. Là, pour le moment, Gérard, on lui montre comment l'allumer déjà. Ouais, déjà, il faut quand même l'allumer, l'ordinateur. Hein. Gérard, c'est pas très bien allumé. Hein. Oh, je sens que si vous continuez, je vais attaquer l'autre débat avant 4 heures. Ok. Alors, les ordinateurs savent-ils plus à jouer qu'à travailler? Bon, allez hop, Victor dehors. J'ai rien fait. Hop. Allez hop. Oh, c'est quoi là, l'ordinateur là. Mais ça y est, Gérard, il est parti. Bon, non. musique. Attends, mais pourquoi tu réponds à mes questions, Gérard? Musique. Ah oui, non, mais bon, allez hop. Manu! Non, ça commence à bien faire, là. Manu, il y a quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Non, là, ça commence à bien faire. Allez hop. Gérard, j'ai rien dit, Il n'y a pas de bordel, voilà. Donc, SL. Oui, donc moi je pense que ça dépend de l'utilisateur. Il y a des utilisateurs qui vont les acheter uniquement pour jouer et puis d'autres uniquement pour travailler. Ok. Ouais, Gérard, excuse-moi, on accueille Ultraman, c'est un passionné d'informatique. C'est Ultraman. Non, mais là ça commence à bien faire. Salut Ultraman. Salut, ça va? Salut Ultraman. Donc Ultraman là. Le standard, j'ai pas entendu la question. On est en plein le standard. Non, tu me prends pas pour un con, tu veux? Te prends pas pour un con, Gérard. Non, tu m'y prends pas, tu m'y laisses. Alors si tu veux pas répondre, tu vas pas rester longtemps. C'est pas la question. Tu peux demander à. Celui qui s'amuse avec la touche du téléphone, il arrête, s'il vous plaît. Merci. Donc alors, pour ou contre l'internet? Attends, pour l'instant, c'est pas toi qui commande Ultraman. Je te donne un coup de main, Gérard. Non, mais attends, tu permets? Oui. Bon, celui qui s'amuse avec... Gérard, je me reprends, il y a du sexe, il y a des sexes. Non, mais ça, tu vois... dans ces cas-là... Oui. Mais ça, on en a rien à foutre, ouais, c'est t'as tout. Raison, Gérard. On en a rien à foutre. Je dis justement qu'il faut pas y aller. Celui qui joue avec ça, avec la touche du téléphone, il arrête. Christiana? Bah, moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que ça va supprimer beaucoup d'emplois, quoi. Y'en a pas... Gérard. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est encore Ultraman, alors vas-y. Y'a perte d'emplois, mais ça va quand même créer des emplois. Mais non, ça va pas créer des emplois, abruti. Ça va créer des emplois, mais c'est qui sait qui paye du larcène? Mais de manière bientôt ça va tout va être sur informatique. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gigi. C'est pour ça qu'il y a tant de chômage. Alors arrêtez vos conneries. Non, foutez-vous pas de ma gueule. Ouais, ben pour l'instant on va écouter Coton Punch in my ass. Voilà, c'est à toi, on fait l'antenne. Un ordinateur compte-t-il plus vite que vous? Alors, Virginie. D'après moi, un peu. Gérard, merci. Gérard, joue avec ton ordinateur. On accueille Darwin, mais c'est un peu particulier, il appelle des États-Unis. Well, yes. Hello, everybody. How are you? Yeah, how are you? Very fine. Yes. What do you want when you content change in your face? D'accord. Olivier, au lieu de jouer là, mais t'es pas là pour jouer, t'es pas payé pour jouer. T'es payé pour écouter un peu ce qui se passe. On accueille Jean-Pat. Ouais, salut, c'est Jean-Pat. Moi j'appelle pas longtemps, je voulais juste te dire, écoute, je t'écoute depuis longtemps. Hein, les débats que tu fais, tout ça, c'est génial. Et comme moi, j'ai des computers chez moi, je me suis amusé à créer, avec des images de synthèse, tout ça, je me suis amusé à créer un petit personnage Gérard, et puis je le fais évoluer dans différents levels. Il y a des trucs que tu dois, par exemple, quand tu... il doit ramasser des trucs pour faire des points, tu vois. Et par exemple, des fois, il se bat contre des méchants, mais il a toujours son coton-tige avec lui. Tu m'écoutes? Laisse-le parler. Alors, tu vois, mon pote? Non, je suis pas ton pote, non, c'est juste Jean-Pat. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, tu viens de dire ça devant plus de 2 millions et demi de... on m'a dit que j'étais au standard, mais je t'avais en antenne. Eh ouais, non, mais manque de pote, t'es en direct sur l'antenne. T'es baisé, mon con. Non. Eh si, c'est enregistré. Mais c'est... T'es baisé, mon con. Ça t'en prendra. Conclusion. Conclusion. Muguet. Oui. Qu'est-ce que t'as pensé du débat? J'ai trouvé que le débat était super bien tenu, organisé, et que c'était très intéressant et instructif. Ok. Cécile? Christina? Moi, comme je suis la dernière, je vais dire que je suis d'accord avec les autres. Ouais, l'espèce de trou du cul, là, qui connaît mieux que tout le monde. Kevin. Mais ma conclusion, c'est que le débat s'est très bien passé, il a été très instructif, mais je regrette qu'on n'ait pas parlé du logiciel Pentatec. Non, mais avant ça, je veux dire une chose là-dessus, j'en ai rien à faire. Ils ont la radio, peut-être un prochain débat.